tombe, oh. Mesdames, messieurs, ah ouais, hein? En mode chinois à l'instant. Non. Voici la collection. Ça pensait que j'avais bien nettoyé. Les restaurants chinois, oh non, dans les dernières semaines, qui ont été condamnés pour malpropreté. Est-ce que c'est propre? Mmh, c'est pas propre! Le Wok de Hong Kong. Wang Zhong, le Wok de Hong Kong, à Portneuf. Oh. Oups. Et je pèse ça sonne. Et je pèse ça sonne dans la guitare. Donné ça pas à terre. Ben, t'en vas quand même brasser avec. Non, mais c'est embêtant, quelqu'un qui échappe une scène d'une guitare. L'as-tu poigné? Ouais. Oui. C'est vrai, hein. Ouais. Quand ton pic. Ton pic, ça fait quand? T'es dedans, là, tu grattes. Donc, 15 minutes avant le show, tu pratiques. Faut que tu sortes le maudit pic. Ouais. À exploiter un établissement dont les lieux de matériel et les équipements servant à la préparation n'étaient pas propres. Ça pas propre! On s'en va au restaurant. Chez Mine Laval. T'as-tu un volet, vraiment, un volet asiatique? Là, j'en ai 6. Ah. C'est tous des restaurants chinois. Bon. Dans les dernières semaines. Ça date pas du mois de mai, là. Les condamnations, c'est dans les dernières semaines. OK. A exploité un lieu contaminé par les rongeurs, les insectes et leurs excréments. Boulevard des Laurentides. Chez Mine Laval. Ben, ça date pas des rongeurs, c'était mes amis. Oh, t'es nommé, tu parles en prénom. C'était des animaux. T'es avais adoptés? Ils faisaient pas des crottes, ils faisaient des papiers de chocolat. Ils faisaient des besoins. Mais ils avaient besoin d'amour. Peut-être que... Ben, de les âmes, de rondeur. Est-ce que tu leur parlais? Un peu comme dans Ratatouille, qui est un film extraordinaire. Ben, les flattais, des fois, là, coucou, là, ils venaient sur le bord d'épaule, pendant que tu brassais la soupe. Ben, le gouvernement a dit que t'étais pas propre. La maison Pékin, encore à Laval. Boulevard de la Concorde à Laval. T'étais en train de dire que Laval n'était pas propre. Le lieu de malpropreté généralisé. Ça sentait fort! À Belle-Oeil, boulevard Wilfrid Laurier, le restaurant Tiki Ming. Oh, Tiki Ming, c'est mon ami. Je connais très bien. Le lieu, le matériel, les équipements servant à la préparation et l'entreposage des produits n'étaient pas... C'était pas propre! Saint-Agathe-des-Monts. Le restaurant opéré par Wong Hang Day. C'était mon cousin. Wong Hang Day. Tu n'avais pas des rats, lui aussi. Le Laurentien a exploité un établissement dont les lieux, l'entreposage, la préparation n'étaient pas propres. Et c'est le double whammy dans son cas. Il y en a eu deux plutôt qu'une. C'est un excessif. C'était deux pour un. C'était deux pour un. On va prendre le numéro deux. Et finalement, à Gatineau, le restaurant Owa de Jiangxiu. Z-H-A-N-G-X-I-H-U-A. Et c'était, encore une fois, la malpropreté dans son corps. Le restaurant Owa est condamné. Bon appétit, tout le monde. 10h43. Et vous êtes dans Mort Alive, à saveur orientale. Un petit numéro 2, peut-être, pour apporter. Bon appétit.